Et vous, vous en avez pensé quoi ? Au sujet du spectacle Cage qui a été en répétition publique le vendredi 27 octobre, nous avons ouvert notre micro auprès de spectateurs et plus précisément de spectatrices qui vont nous faire partager leurs premières impressions. Spectacle qui, je le rappelle, sera donc à l'affiche les lundis 4, 11 et 18 décembre, même horaire, les lundis 4, 11 et 18 décembre à 20h30 à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy-Centre, on retrouve des impressions de spectateurs. Je m'appelle Josette. Moi, ce que j'aime dans le théâtre, à la fois, c'est la représentation, mais en même temps, c'est tout le travail derrière et tout ce qui peut être un peu expérimental et en même temps recherche. Et là, effectivement, même si c'était quand même déjà pas mal abouti, je trouvais qu'on avait quand même déjà une fragilité des comédiens qui est, moi, que je trouve toujours vachement touchante. Et en même temps, on sentait un peu cette recherche quand il y a eu des moments, il y a eu des cassures, il y a eu des coupures, il y avait des difficultés à se rappeler du texte, etc. Et moi, je trouve que moi, j'aime ça. La lumière, c'est bien, mais je trouve que tout le travail avant, et avec le scénographe, l'ingénieur du son, le régisseur, etc., je trouve que c'est vraiment le travail du théâtre. Et là, on n'est plus dans la lumière, on est dans le vrai travail. Je m'appelle Annick et je suis abonnée à l'apostrophe depuis assez longtemps et à d'autres théâtres également. J'adore ça. Dans ma liste de spectacles très nombreux, eh bien, il n'y avait pas Cage. Et alors maintenant, c'est obligatoire, je vais m'inscrire pour Cage, parce que oui, il y a une forme de frustration en effet. Le personnage de la mère m'a beaucoup impressionnée, et la fille, je vis là-dedans, je me sens vraiment... Dans le dialogue parent-enfant, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. Pas toujours facile justement, où il y a parfois on est les uns les autres quand on est dans cette relation au bord de la rupture. Oui, enfin, ça ne m'est pas arrivé jusqu'à ce point-là, mais la fille, j'ai trouvé horrible vis-à-vis de sa mère pour l'instant, et je veux savoir comment cette chose va évoluer. Et puis, le personnage qui était installé au fond de la salle, qui remuait son journal, m'a intriguée aussi, donc je veux savoir ce qui va lui arriver. Et apparemment, on a vu un acteur, donc un homme, qui va-t-il incarner ? Alors, mon prénom Aurélie, et ma première impression, alors déjà, j'ai été ravie, parce que c'est vrai qu'assister à tout ce processus de mise en place, notamment moi la partie qui m'intéresse c'est la partie technique, parce qu'en tant que spectateur on a rarement l'occasion de comprendre toute la complexité technique qu'il y a dans les spectacles. Donc moi c'est ce qui m'a vraiment intéressée et on en a eu un petit aperçu aujourd'hui. Et mon impression, je suis ravie et surtout je vais devoir aller la voir, parce que je ne l'avais pas prévu. Malgré que je vais au théâtre à peu près tous les soirs, elle ne faisait pas partie de ma liste et du coup elle en fait partie maintenant. C'était pas une découverte pour moi parce que bon, j'ai déjà assisté notamment là au théâtre Héberto, il me semble, il y a les Jumeaux Vénitiens qui sont actuellement à l'affiche et j'ai assisté à toute une présentation de la scène et on a vu le metteur en scène, etc. Ça a duré un certain temps et c'était très intéressant. Donc, j'ai des amis acteurs donc j'ai déjà découvert ce processus. Mais c'est toujours une surprise de voir l'œil du metteur en scène et de voir ce qu'elles peuvent apporter aussi chacun des acteurs au cours de la répétition. Donc peu importe la pièce, d'ailleurs même si c'est la même pièce mais faite par des acteurs différents et des metteurs en scène différents, c'est toujours intéressant parce que bon, les lieux ne sont pas les mêmes, l'équipe technique n'est pas les mêmes, n'est pas la même, et puis toute la mise en scène est différente, et à chaque fois c'est différent et c'est intéressant. Je me nomme Sayedina, c'est la première fois que j'expérimente ça, c'est très très très intéressant pour moi parce que j'aimerais bien devenir comédienne ou actrice aussi. Et voir comment le metteur en scène travaille avec les acteurs, c'est porteur pour moi, c'est important. Et voir la vision du metteur en scène, voir les détails, tout ça, tout le travail autour des acteurs et actrices, ça c'est pas mal à voir comme ça. On voit les enjeux, moi ça m'intéresse, j'aime bien tout ce qui demande de l'attention. Enfin, ce théâtre-là est intéressant. Après, du coup, nous, on a vu un fragment d'une scène. Et c'était très intéressant, le jeu entre la mère et la fille. Et je me reconnaissais pas mal dans le jeu de la fille, en tout cas, puisque je suis plus proche de son âge, forcément. Et au niveau des voix, c'est très intéressant, en fait, le jeu par la voix. Le fait qu'ils aient des micros, c'est très intéressant. Et même comment la voix est développée pour bien montrer l'animosité de la fille, alors que la mère, elle est plutôt sa voix un peu plus, pas criarde, mais on entend l'émotion dans sa voix, en tout cas.